que lui seul sait et que lui seul choisit. Dans cet enfer, An-Nar, on leur versera de l'eau du fleuve de la vie, Nahrul Haya. Leurs corps ainsi régénéreront, de la même manière que pousse une graine au bord d'une rivière. Et puis après cela, on leur autorisera de rentrer au paradis Al-Jannah, le paradis du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. Et ils rejoindront alors leurs frères croyants, Al-Mu'minoun. Wallahu dhul fadli al-azim. Et Allah est détenteur de grandes grâces. Quant au reste des gens, ayyuhal ikhwatul kiram, quant au reste de l'humanité, al-bashariya, qui seront restés et demeurés dans le feu de l'enfer, nar ou jahannam, ce sont certes les mécréants, al-kafiroun, et les associateurs, al-mushrikoun, et les hypocrites, al-munafiqoun. Quel sera leur état ainsi dans l'enfer? Et comment est ainsi la description de l'enfer en or? Et qu'est-ce qu'Allah a préparé à ses habitants de l'enfer? Et qui est-ce qui rentrera? Et pourquoi? Les réponses à toutes ces questions, ayyuhal ikhwatul kiram, sont le sujet de notre rencontre aujourd'hui, bi'idhnillahi azza wa jal, wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يبارك في وقتنا إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام, le feu An-Nar est présent et existe en ce moment même, comme existe en ce moment même le paradis Al-Jannah. Le feu An-Nar est présent à cet instant même, comme existe à cet instant le paradis Al-Jannah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, et craignez le feu An-Nar qui a été préparé pour les mécréants. Et Allah nous dit également à propos du paradis Al-Jannah, أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ, qui a été préparé pour ceux qui ont cru en Allah et au messager. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى, الإمام الطحاوي nous dit dans son livre العقيدة الطحاوية, et certes le paradis et l'enfer, الجنة والنار, sont deux créatures présentes, elles ne disparaîtront jamais et elles ne périront jamais, car Allah تعالى a créé le paradis et l'enfer avant la création Al-Khalq et a décrété à chacun ses habitants. Ainsi, celui qui entrera au paradis Al-Jannah, ce sera par sa miséricorde et sa bonté de sa part. Et celui qui entrera en enfer, ce sera par une justice de sa part. Et les serviteurs Al-Ibad avancent vers ce qu'Allah a décrété pour eux, et le bien et le mal sont décrétés sur ses serviteurs. Telle est la parole de l'imam al-Tahawi, rahmatullah alayh. Wal-imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi, rahimahullah, nous dit dans son explication de la parole de l'imam al-Tahawi, quant à sa parole, le paradis et l'enfer, al-jannat wal-nar, sont deux créatures présentes, elles ne disparaîtront jamais et elles ne périront jamais. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, ceci est unanimement reconnu par Ahlu Sunnati wal Jama'a. Et ces gens Ahlu Sunnati wal Jama'a restèrent et demeurèrent dans cet état jusqu'à ce que deux sectes, l'une Al-Qadariya et l'autre Al-Mu'tazila, firent apparition. Et ils contestèrent et ils nièrent cela et ils dirent, Allah créera le paradis et l'enfer yawm al-qiyam, le jour de la résurrection. Mais leurs paroles, elles non acceptées et non valables et caduques, et c'est une parole à laquelle répondent et contredisent les preuves tirées d'Al Qur'an et de la Sunna. Al-Imam Muslim rapporte, dans son recueil authentique, un hadith également rapporté par Ahlus Sunan, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsqu'Allah Ta'ala créa le paradis Al-Jannah et l'enfer An-Nar, il envoya Jibril alayhi salam au paradis Al-Jannah. Et alors il lui dit, va au paradis et regarde ce que j'ai préparé à mes serviteurs. Et alors Jibril alayhi salam partit et regarda et observa ce qu'il y avait à l'intérieur du paradis. Puis il revint et il dit, « Wa izzatik, par ta puissance, pas une seule personne n'entendra parler de ce paradis sans qu'elle n'y rentrera. » Et on ordonna alors de placer autour du paradis Al-Jannah les contrariétés et les désagréments et les obstacles et les difficultés. Puis Allah Jalla wa Ala dit à Jibril, « Vois voir le paradis Al-Jannah et ce que j'ai préparé à mes serviteurs. » Et alors il partit et il vit et il revint et il dit ainsi, « Wa izzatik, par ta puissance, je crains que personne n'y rentrera. » Puis Allah Jalla wa Ala envoya Jibril alayhi salam vers le feu An-Nar. Et il lui dit, « Va voir et regarde et observe ce que j'ai préparé à mes serviteurs à l'intérieur. » Jibril alayhi salam partit alors et dit, lorsqu'il revint, « Wa izzatik, par ta puissance, pas une personne n'entendra parler de ce feu An-Nar sans qu'elle ne refuse d'y entrer. » Et on ordonna alors de placer autour de ce feu An-Nar les plaisirs An-Nazawat et les passions An-Shahawat. Et alors, Allah dit à Jibril, « Va voir le feu An-Nar et regarde ce que j'ai préparé à mes serviteurs à l'intérieur. » Et alors il partit, alayhi salam, puis il revint et il dit, « Wa izzatik, par ta puissance, je crains que tout le monde y rentrera. Je crains certes que tout le monde y rentrera. Certes, le paradis et l'enfer, al-jannatu wa an-nar, ayyuhal ikhwa, sont deux créatures qui ne disparaîtront jamais et qui ne périront jamais. Et certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda un jour à Jibril alayhi salam et lui dit, pourquoi est-ce que je n'ai jamais vu Mikaïl alayhi salam sourire? Et alors Jibril alayhi salam lui répondit, Mikaïl alayhi salam n'a jamais souri depuis que le feu An-Nar a été créé. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais vu Mikaïl alayhi salam sourire? Et alors il lui répondit, Mikaïl alayhi salam n'a jamais souri depuis que le feu An-Nar a été créé. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission bonne selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà vu le feu An-Nar et l'a observé lors de la prière de l'éclipse Salatul Kusuf. Comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, selon Aisha radiallahu anha. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, j'ai vu à cet endroit tout ce dont vous avez été prévenu. J'ai vu à cet endroit tout ce dont vous avez été prévenu. Et vous m'avez vu prendre quelque chose du paradis Al-Jannah lorsque vous m'avez vu avancer. Mais j'ai vu le feu An-Nar s'embraser elle-même d'elle-même. Et alors vous m'avez vu reculer. Et dans une version de l'imam Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit, j'ai certes vu le feu An-Nar, je n'ai jamais vu une chose aussi horrible et terrifiante. La chose la plus horrible et la plus terrifiante que n'ait vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le feu An-Nar. Et wallah. C'est pourquoi l'imam Muslim rapporte dans son recueil authentique selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam un jour a dit à ses compagnons, والذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme dans sa main, لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا, si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous auriez peu rigolé et vous auriez beaucoup pleuré. Et alors ils dirent, وما رأيت رسول الله, et les compagnons dirent, et qu'est-ce que tu as vu ya رسول الله? Il dit, رأيت الجنة والنار, j'ai certes vu le paradis et l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit le feu An-Nar et l'observa et ressentit même la chaleur de ce feu jusqu'à ce qu'il souffla sur son visage. Na'am. Et les hadiths sont nombreux à ce sujet. Parmi eux, ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique selon Al-Mughirat ibn Shu'bah radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, An-Nar, le feu s'est rapproché de moi jusqu'à ce que j'ai soufflé sur mon visage pour éviter sa chaleur. J'ai alors aperçu Sahibul Mihjan, l'homme au bâton crochu. J'ai aperçu à l'intérieur de ce feu l'homme au bâton crochu. C'est l'homme qui avait un bâton avec un crochet afin de voler les pèlerins lors du pèlerinage al-Hajj. Le feu An-Nar s'est rapproché de moi jusqu'à ce que j'ai soufflé sur mon visage pour éviter sa chaleur. J'ai alors aperçu à l'intérieur de ce feu صاحب المحجن l'homme au bâton crochu. Et également, j'ai aperçu celui qui décréta Al-Bahira, une coutume païenne. Et celui-ci, c'est Amr al-Khuzai, que le prophète alayhi salatu wassalam a vu les intestins de cette personne traîner en enfer al-Nar, le premier qui aura changé la religion de l'Arabe. J'ai aperçu à l'intérieur de ce feu, Sahib al-Mihjan, l'homme au bâton crochu, et l'homme qui décréta Al-Bahira, et Sahibatul Hirra, et la femme propriétaire de chat, wa Sahibu Himyar. Et certains compagnons, ayo al-Ikhwatul Kiram, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont déjà aperçu le feu An-Nar lors de leur sommeil. Comme ceci a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abdillah ibn Umar radiallahu anhuma. Et cette version est celle de l'imam al-Bukhari. Ibn Umar radiallahu anhuma nous dit: j'ai certes vu pendant mon sommeil Malakain, deux anges qui sont venus me voir. Dans la main de chacun de ces anges, une barre de fer, al-Hadith. Et alors ils me dirent: ne sois pas effrayé, n'aie point peur. Quel vertueux homme tu es! Quel vertueux homme tu es si tu multipliais les prosternations dans la nuit! Et alors il dit, radiallahu anhuma, ces deux anges m'emmenèrent jusqu'à arriver au bord de l'enfer, al-Jahim. J'ai vu alors et j'ai vu l'enfer en forme d'un puits qui possédait des cornes comme celles des cornes du puits. Entre deux cornes se trouve un ange possédant une barre de fer, al-Hadid. Et j'ai vu alors des hommes enchaînés, leur tête vers le bas. Et j'ai vu également des hommes de Quraysh. J'ai alors raconté cela à Hafsa, radiallahu anha, qui elle raconta cela au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: inna abdallahi rajulun salih. Certes, Abdallah est un homme vertueux. Certes, Abdallah est un homme vertueux. Fa ayyuhan nas, ô vous les gens, ô vous les hommes, inna an-nar harruha shadid, wa qa'ruha ba'id, wa maqami'uha min hadid. Certes, le feu an-nar a une forte chaleur, et son fond est très profond et très lointain, et ses armes sont faites de fer al-hadid. Ce feu, ayyuha al-ikhwa, ce feu, ayyuha Allah, est terrifiant, et sa chaleur est extrême, et son regard est choquant. Ce feu, ayyuha al-ikhwatul kiram, n'est guère comparable au feu de ce bas monde ad-dunya. Certes, notre feu de ce bas monde ad-dunya, ce feu qui détruit tout, ce feu qui extermine tout, ce feu qui fait tout brûler, ce feu n'est qu'une partie sur 70 parties du feu de l'enfer nar au jahannam. N'est qu'une partie sur 70 parties du feu de l'enfer nar au jahannam. Wa qalu la tanfiru fil har. Et ils dirent: ne partez pas au combat dans cette chaleur. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا. Dis-le, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Si seulement ils comprenaient. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et ainsi ils riraient peu, qu'ils rient un peu moins, et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont acquis. فَأُمُّهُ هَاوِيَةً وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةً نَارٌ حَامِيَةً. Sa destination sera un abîme très profond. Et qui te dira de ce qu'est sa destination? Tel est un feu ardent. Innaha narullah. Tel est le feu d'Allah Jalla wa Ala. Le feu qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala aura créé et réservé à ses serviteurs. Dans les deux recueils authentiques. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: narukum hadi, votre feu de ce bas monde, votre feu équivaut à 1/70 du feu de l'enfer nord au Jahannam. Et alors les compagnons diraient: wallah, ce feu suffirait largement pour nous, ya Rasulallah, serait largement suffisant, ya Rasulallah. Et alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam: ce feu de ce bas monde est dépassé de 69 parties en plus de son semblable. Toute chaque partie de même intensité de chaleur que ce feu. Ce feu de ce bas monde, ad-dunya, est dépassé de 69 parties en plus de son équivalent et de son semblable, chaque partie de même intensité et de chaleur que ce feu. Ainsi, le feu de ce bas monde, nar ad-dunya, ayyuha al-ikhwa, est 70 fois moins ardent, et 70 fois moins chaud, et 70 fois moins terrible que le feu de l'au-delà, al-akhira. 1/70 du feu de l'enfer, nar au jahannam. Et ce feu de dunya, ayyuha al-ikhwa, le feu de ce bas monde, qui brûle tout sur son passage, qui extermine tout, qui fait tout périr sur son passage, ce feu qui est à notre disposition, eh bien sachez qu'Allah, Jalla wa Ala, s'il ne l'avait pas diminué en chaleur, personne n'aurait pu en profiter. Personne n'aurait pu en profiter. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission authentique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit à propos de ce feu de ce bas monde, ce feu fut frappé deux fois dans l'eau de la mer al-Bahr. Sans cela, Allah n'aurait permis à personne d'en profiter. Fala ilaha illallah. Et wallahi ayyul ikhwa, wallahi le souffle d'une seule personne de l'enfer, min ahlinnar, brûlerait un grand nombre de gens de ce bas monde ad-dunya. Et le hadith est rapporté par al-Hafid Abu Ya'la, et par l'imam al-Bazzar, et authentifié par Sheikh al-Albani selon Abi Huraira, radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, s'il y avait dans cette mosquée 100 000 hommes ou plus, et parmi eux, un homme de l'enfer, s'il soufflait, toute la mosquée aurait brûlé avec les gens à l'intérieur. S'il soufflait, toute la mosquée aurait brûlé avec les gens à l'intérieur. Imaginez-vous, ayant les rois, un seul souffle d'un homme de l'enfer, un souffle qui sortirait de son estomac et de sa bouche, brûlerait 100 000 hommes et plus. L'annar, ayant les rois, car le feu annar a une chaleur extrême, et son fond est très profond, et ses outils et ses armes sont faits de fer, al-hadid. Ce nar, ayant les rois, ce feu de l'enfer, détruit tout sur son passage, et brûle tout et mange tout. Et ne pensez pas que le feu dans l'enfer, nar ou jahannam, est comme celui de ce bas monde ad-dunya. Nar ou jahannam, ayol ikhwa, le feu de l'enfer n'est point de couleur rouge ou de couleur jaune, mais le feu de l'enfer est de couleur noire. Nar ou jahannam est de couleur noire. Et la preuve en est, le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, dit un jour à ses compagnons, pensez-vous que le feu de l'enfer est comme votre feu? Pensez-vous que le feu de l'enfer, nar ou jahannam, est comme votre feu? Mais certes, il est plus noir que le goudron. Certes, il est plus noir que le goudron. C'est donc un feu, ayol ikhwa, de couleur noire. Le feu de l'enfer est de couleur noire et de mauvaise odeur. Et son aliment, sa subsistance, son intensification et son combustible sont les hommes et nas. Et les pierres et les hijara. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Parez-vous de ce feu, contre ce feu qu'alimenteront les hommes et les nas et les pierres et les hijara, et lequel est réservé aux infidèles. Ainsi le combustible et la nourriture de ce feu annar est leur corps et leur peau, le corps de ces gens, les peaux de ces gens, le corps des mécréants, al-kafiroun, et des associateurs, al-mushrikoun, et des désobéissants, al-asoun. Le feu annar s'intensifie avec le corps des gens annas, et avec les pierres, al-hijara. Comment sont ces pierres? Comment sont les pierres, al-hijara? Nous dit Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ce sont des pierres de kibrit, des pierres de soufre. Allah Jalla wa Ala les a créés le jour où il créa les cieux et la terre dans le ciel de ce bas monde ad-dunya, et il les a préservés pour les mécréants al-kafiroun. Ce sont des pierres de soufre. Allah Jalla wa Ala les a créés le jour où il créa les cieux et la terre dans le ciel de ce bas monde ad-dunya, et il les a réservés aux mécréants al-kafiroun. Et ce hadith est cité par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak et authentifié selon les conditions de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, et l'imam al-Dahabi et Sheikh al-Albani l'ont affirmé et l'ont confirmé. Et ainsi nous disons que ce récit a un lien élevé au prophète alayhi salatu wassalam. Car ceci ne peut pas être cité à la suite d'un effort d'interprétation de Ibn Mas'ud. Il ne peut pas être dit par un point de vue, car Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu est un des savants parmi les compagnons as-sahaba, et il n'est pas connu de lui qu'il prônait chez les récits de Banu Israël. Ainsi, nar ou jahannam, le feu de l'enfer, ayol ikhwa, s'alimente et s'attise et s'embrave et se nourrit de ces pierres al-hijara, de ces pierres de soufre. Ce sont des pierres, ayol ikhwa tul kiram, le jour où Allah jalla wa ala a créé les cieux et la terre, il les créa dans le premier ciel de ce bas monde ad-dunya, il les réserva pour les mécréants al-kafiroun. Et Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, nous dit dans son livre intitulé « Faire peur avec le feu », il nous dit dans ces pierres al-hijara, il y a 5 types de souffrances. Dans ces pierres al-hijara, il y a 5 types de châtiments. Leur fumée est très intense. C'est-à-dire qu'elles produisent énormément de fumée lorsqu'elles brûlent. Elles s'allument très vite et très rapidement. Leur odeur est très mauvaise. Leur odeur est très mauvaise. Elles se collent très bien avec le corps des serviteurs. Elles se collent très bien avec le corps. Et leur chaleur est très intense lorsqu'elles chauffent. 5 types de souffrances pour ces pierres, qui seront le combustible de quoi? De Nar ou Jahannam, du feu de l'enfer. Ce feu de l'enfer, ayyuhal ikhwatul kiram, qui sera également alimenté par les idoles at-tawarit. Les idoles, ceux qui auront été adorés en dehors d'Allah, jalla wa ala, dans ce bas monde ad-dunya, qu'ils soient des humains, qu'ils soient des statues, qu'ils soient des pierres ou qu'ils soient des arbres. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah, hasabu jahannam, antum laha waridun. Vous serez vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous, vous y rendrez tous. In kana ha'ula'i alihatan, ma waraduha. Si cela était vraiment des divinités, ils ne seraient pas rentrés. Wa kullun fiha khalidun. Mais ils demeureront tous éternellement. Lahum fiha zafir, wa hum fiha la yasma'un. Ils y pousseront des gémissements et ils n'y entendront rien. Tout ce qui a été ainsi adoré sur terre, dans ce bas monde ad-dunya, en dehors d'Allah jalla wa ala, et qui aura été d'accord et satisfait d'être adoré, sera alors un combustible de l'enfer, nar ou jahannam. Sera un combustible du feu de l'enfer. Ce feu, ayol ikhwa, nar ou jahannam, an nar ayol ikhwa tul kiram, ce feu détruit tout, ce feu détruit tout, yuallah, wa ma adaraka ma saqar, la tubqi wa la tadar, lawahatun lil bashar, alayha 19. Et qui te dira ce qu'est saqar? Il ne laisse rien et il n'épargne rien. Il brûle la peau et il la noircit. Et ils sont 19 à y veiller. Ce feu An-Nar ne délaisse rien. Ce feu An-Nar brûle les peaux, Al-Julud. Ce feu An-Nar atteint les os, Al-Aidam. Font ce qui se trouve dans les ventres, Al-Butun. Et arrive jusqu'au cœur, Al-Afidatu Al-Quloub. Quant à l'ombre du feu de l'enfer, elle n'est pas ombreuse. Et elle n'est pas ombrageuse. Et elle ne fournit pas d'ombrage, comme nous le dit Allah Jalla wa Ala. Intaliqu ila dhillin di thalath shu'ab. Allez vers une ombre, c'est-à-dire la fumée de l'enfer. Allez vers une ombre à 3 branches. La dhalilin wa la yughni min al-lahab. Qui n'est point ombreuse et qui n'est point capable de protéger de ses flammes. L'ombre de l'enfer, ayyuhal ikhwa, est de la fumée qui n'apaise pas les flammes de l'enfer et qui n'apaise pas la chaleur de l'enfer. Intaliqu ila dhillin di thalath shu'ab. لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. Car le feu An-Nar jette des étincelles volumineuses telles des châteaux, des étincelles volumineuses telles des palais. Une seule étincelle est comparable à une forteresse. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. Qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. Son ombre est de la fumée. Son eau, Al-Hamim, l'eau bouillante, qui bouillait à une température extrême. Son vent, Al-Samoum, wa ashabu shimal, ma ashabu shimal, et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche, fi samoumi wa hamim, wa dhillim mi yahmoum, la baridin wa la karim. Ils seront au milieu d'un souffle brûlant, et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ce feu, ayol ikhwa An-Nar, et certes alimenté par Allah Jalla wa Ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala l'alimente. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala l'attise tous les jours. Kulla yaw. Tous les jours Allah Jalla wa Ala l'alimente. Et quand est-ce, ayyuhal ikhwatul kiram? Avant la prière de Dhahr. Avant la prière de Dhahr, d'environ une demi-heure. C'est pourquoi avant la prière de Dhahr, avant salat ou Dhahr, c'est un moment où il nous est interdit de prier. Il n'est pas autorisé de prier à ce moment-là, excepté les prières qui ont des causes à sabab. Ainsi, si quelqu'un entre dans la mosquée, il ne doit accomplir comme prière surérogatoire qu'à Tahiyatul Masjid. Et il ne doit pas accomplir de prière surérogatoire sans cause, jusqu'à l'appel à la prière. Car c'est un moment d'interdiction de prière, car c'est le moment où le feu de l'enfer Nar ou Jahannam s'attise. Comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam ou Muslim. Selon Amr ibn Absah, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: accomplis la prière d'Al-Fajr, puis ne prie pas jusqu'à ce que le soleil se lève, car il se lève entre deux cornes de shaitan. Et lorsqu'il est élevé et que l'ombre atteint la distance d'une lance, la prière est alors témoignée. Puis ne prie plus, car à ce moment le feu de l'enfer s'attise, jusqu'à ce que le retour du soleil arrive, et alors prie. Et dans les deux recueils authentiques, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, lorsque la chaleur est intense, refroidissez avec la prière, car la grande chaleur provient de l'enfer Nar. Car la grande chaleur provient de l'enfer Nar. C'est pourquoi, yol ikhwa, c'est une sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de retarder la prière du Zahr jusqu'à avant al-Asr, pendant l'été al-Saif, car la chaleur intense provient de l'enfer Jahannam. Et wallah, yol ikhwa, l'enfer Jahannam agit sur ce bas monde ad-dunya, a une influence sur ce bas monde ad-dunya et sur les habitants de ce bas monde. Ce que les gens ressentent à yol ikhwa, comme très intense chaleur pendant l'été al-Saif, provient du souffle d'enfer. Et ce qu'ils ressentent également comme froid pendant l'hiver al-Shita provient du froid glacial de l'enfer. Et la preuve est tirée du hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari et d'autres. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, Nar, l'enfer, s'est plaint auprès de son Seigneur. Certes, l'enfer, Jahannam, s'est plaint auprès de son Seigneur. Imaginez-vous, ayol ikhwa, l'enfer se plaint. Qu'en est-il de ceux qui sont à l'intérieur de cet enfer, wal'iyadu billah? Certes, l'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur. Elle lui dit, oh Seigneur, ya Rabbi, certes, je mange, je me mange et je m'étouffe moi-même. Et alors, on lui autorisa deux souffles. Un souffle en été, fissaif, et un souffle en hiver, fichita. La chaleur la plus intense que vous ressentez en été provient en fait du souffle de l'enfer. Et le froid le plus intense que vous ressentez en hiver provient de son froid glacial. Ainsi, lorsque l'été est intense et que les gens meurent à cause de cette chaleur, ceci provient alors du souffle de l'enfer. Qu'en est-il alors de l'enfer Nar et de ce qu'il contient? Et lorsque le froid qui glace le sang devient intense en hiver, cela provient également du froid glacial de l'enfer Nar. Alors qu'en est-il de l'enfer lui-même, wal'iyadu billah? Et ce feu Nar, ayyuha al-ikhwatul kiram, Allah lui a accordé une ouïe, al-sam', et une vue, al-basar, et une parole, al-nutq. Ainsi l'enfer écoute, et l'enfer regarde, et l'enfer parle. Quand Allah Jalla wa Ala nous dit, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ, lorsque l'enfer les voit de lointain, d'un endroit lointain, lorsque l'enfer les voit d'un endroit lointain, سَمِعُوا تَغَيَّثًا وَنَفِيرًا. سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّذًا وَنَفِيرًا. Ils entendront sa fureur et ses pétiments, lorsque de loin cet enfer les voit, c'est-à-dire que lorsque l'enfer verra ses habitants venir vers lui, lorsque l'enfer observera les gens venir vers cet enfer, l'enfer criera alors d'une façon telle que les cœurs et le qulub sortiront de leur poitrine as-sudur. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّذًا وَزَفِيرًا. Lorsque de loin ils les voient, c'est-à-dire lorsque de loin l'enfer les voit, ils entendront sa fureur et ses pétiments. Et Allah nous dit également, إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ. Lorsqu'ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'ils bouillonnent. Lorsqu'ils seront jetés dedans, ils entendront le cri de l'enfer. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. Peu s'en faut que de rage il n'éclate. Peu s'en faut que cet enfer, de rage il n'éclate, à cause de ce cri. Ainsi l'enfer voit donc, et l'enfer écoute, et l'enfer regarde, mais mieux encore, Allah Jalla wa Ala lui parle. Allah Jalla wa Ala s'adresse à l'enfer. Il lui parlera, il lui dira, Halim Talat, es-tu rempli? Halim Talat. Et il répondra alors, Halim Mesid. Y en a-t-il encore? Yawma naqulu li jahannama Halim Talat, fataqulu Halim Mesid. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Et il dira alors, y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? Et dans les deux recueils authentiques, selon Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, on jettera en enfer des gens. On jettera en enfer des gens. Et alors l'enfer, An-Nar, ne cessera pas de dire, Hal min mazid, y en a-t-il encore, y en a-t-il encore? Jusqu'à ce que le Seigneur de la puissance y place son pied, tabaraka wa ta'ala, l'enfer se refermera alors et dira, Qat, Qat, stop, stop. Bi'izzatika wa karamik. Par ta puissance et ta générosité. On jettera en enfer des gens. On jettera en enfer des créatures. Et l'enfer ne cessera pas de dire, Hal min mazid, y en a-t-il encore, y en a-t-il encore? Jusqu'à ce que le Seigneur de la puissance, Rabbul Bariya, y placera son pied, tabaraka wa ta'ala, l'enfer se refermera alors. Et dira, Qat, Qat, stop, stop, bi'izzatika wa bi'karamik. Par ta puissance et ta générosité. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, ainsi que Ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, un coup sortira de l'enfer. Un coup sortira de l'enfer le jour de la résurrection, yawm al-qiyam. Il aura deux yeux qui observeront, et deux oreilles qui entendront, et une langue qui parlera, et il dira alors, et il s'écriera, j'ai été assigné aujourd'hui à trois catégories de personnes, pour tout tyran insolent. et pour tous ceux qui auront invoqué en dehors d'Allah autre que lui, et pour les dessinateurs. Et croirez-vous, ayyuhal ikhwatul kiram également, croyez-vous, ayyuhal ahbab, que certes ce soleil al-shams, avec sa taille énorme et sa grandeur immense, qui dépasse de loin la surface et la taille et le volume de la terre al-ard, ce soleil ayyuhal ikhwa, que s'il se rapprochait de quelques centimètres de la terre, il brûlerait tout, et il aurait tout brûlé, toute la terre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ce soleil, ayyuhal ikhwa, al-shams, et cette lune, al-qamar, seront obscurcis dans le feu de l'enfer. Seront obscurcis, fi nari jahannam, dans le feu de l'enfer. Al-imam al-bayhaqi, rahimahullah, nous a cité dans son livre La résurrection et le jugement, un hadith authentifié par Shaykh al-Albani, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: le soleil et la lune, al-shams ou al-qamar, seront obscurcis dans le feu an-nar. Seront obscurcis dans le feu an-nar. Le soleil et la lune seront ainsi obscurcis dans le feu de l'enfer nar ou jahannam na'am. Pourquoi? Car ils auront été adorés sur terre en dehors d'Allah jalla wa ala. Ils auraient été adorés en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce monde ad-dunya. Et ceci nous informe également, ayyuhal ikhwa, de l'énorme taille, de l'énorme profondeur, de l'énorme largeur et étendue du feu de l'enfer nar ou jahannam. Énorme étendue de cette demeure et de ce séjour. La demeure de l'enfer, jahannam, et wallah, est très grande et très large et très étendue. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلْ امْتَلَأْتِ فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Et il dira, y en a-t-il encore? Quant à sa profondeur, quant à la profondeur de l'enfer, قَعْرُ جَهَنَّمْ, si une pierre était jetée du haut de l'enfer, جَهَنَّمْ, il faudrait un temps, et wallah, très long, afin qu'elle atteigne son sol et son fond. Écoutez ce que nous rapporte l'imam au muslim dans son recueil authentique. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, il nous dit: nous étions auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous entendîmes quelque chose tomber. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: savez-vous ce qu'est cela? Et alors nous dîmes: Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Et alors il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, telle est une pierre jetée du haut de l'enfer, elle y est tombée pendant 60 automnes, c'est-à-dire pendant 70 années, et elle n'a atteint son fond que maintenant. Telle est une pierre jetée du haut de l'enfer, elle y est tombée depuis 70 années, depuis 70 automnes, et elle n'y a atteint son fond que maintenant. Ainsi, il faut 70 années afin d'atteindre le fond de l'enfer, nar ou jahannam. Ayyuhal ikhwatul kiram, a'adana Allahu minan nar. Le feu an-nar, ayyuhal ikhwa, est constitué et établi de degrés, ad-darakat, un degré au-dessous de l'autre, comme le paradis al-jannah est constitué de degrés en ascendant, darajat, un degré au-dessus de l'autre, lui l'enfer an-nar est constitué d'étages descendants, ad-darakat, et le degré le plus bas, ayyuhal ikhwatul kiram, est destiné aux hypocrites al-munafiqin. Inna al-munafiqin fi ad-dark al-asfali min an-nar, wa lan tajid lahum nasira. Certes, les hypocrites seront au plus bas fond du feu an-nar, et tu ne retrouveras jamais de secoureur. Naam, les hypocrites al-munafiqoun seront plus châtiés que les associateurs al-mushrikoun, et plus châtiés que les autres mécréants al-kafiroun, plus châtiés que les gens du livre Ahlul Kitab, plus châtiés que les athées al-mulhidoun et que les criminels al-mujrimoun. Inna al-munafiqin fi ad-dark al-asfali min an-nar. Certes, les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Et Allah tabaraka wa ta'ala a certes évoqué dans son livre sacré Al-Qur'an al-Karim, et il a cité plusieurs noms de l'enfer, Jahannam. Parmi les noms de l'enfer, ayyuhal ikhwatul kiram, Jahannam, la géhenne. Et également parmi ces noms, As-Sa'ir, la fournaise. Et également parmi ces noms, Al-Jahim. Et également parmi ces noms, Lava, le brasier. Comme Allah jalla wa ala nous dit: kalla innaha lava naza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Mais non, l'enfer est certes un brasier arrachant brutalement la peau du crâne. Il appellera celui qui tournait le dos et qui s'en allait. Il appellera celui qui tournait le dos à la religion, ad-din. Il appellera celui qui tournait le dos aux ordres du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Et qui amassait et qui thésaurisa, qui amassait les richesses et les biens et ne les donnait point aux pauvres et aux indigents al-masakin. Parmi les noms de l'enfer également, parmi les noms de l'enfer, Saqar. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19 qui te dira de sa part. Il ne laisse rien et il n'épargne rien. Il brûle la peau et il la noircit. Et ils sont 19 à éveiller. Parmi ces noms également, Al-Hawiya, وَمَا أَذَرَاكَ مَا هِيَا نَارٌ حَمِيَا. L'abîme très profond. Et qui te dira ce qu'est cet abîme très profond? C'est certes un feu ardent. Parmi ces noms également, Al-Hutama, كَلَّا لَيُنْبَدَنَّ فِي الْخُطَمَا وَمَا أَذَرَاكَ مَا الْحُطَمَا نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَى. Mais non, il sera certes jeté dans le Hutama. Et que dira ce qu'est Al-Hutama? نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَى. Le feu attisé d'Allah. نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَى. Le feu attisé d'Allah. التي تطلع على الأفئدة. Ce feu qui monte jusqu'au cœur, al-qulub, jusqu'à l'alfida. Ce feu al-nar atteindra leur cœur, ayo l'ikhwatul kiram, atteindra leur cœur, al-qulub, sans qu'ils ne meurent. La yamutuna fiha wa la yahyaun. Ils ne mourront point et ils ne vivront point. التي تطلع على الأفئدة. Qui montera jusqu'au cœur, al-qulub. عليهم. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. Il se refermera sur eux. Ces portes seront fermées. Il se refermera sur eux. عليهم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. En colonne de flammes étendues. Tels sont certains noms de l'enfer, ayo l'ikhwa. Tels sont certains noms de l'enfer, al-nar. Qu'Allah, avec lesquels Allah, jalla wa ala, a nommé l'enfer, jahannam. Ainsi l'enfer, ayo l'ikhwa. Le feu de l'enfer, al-nar. Telle est la demeure qu'Allah, jalla wa ala, a réservée et a destinée et a préparée aux mécréants, al-kafirin. Et aux associateurs, al-mushrikin. Et aux nieurs et aux athées, al-mulhidin. Et aux désobéissants et aux pécheurs, al-asir. هذه النار. Ce feu qu'Allah aura préparé à ceux qui associent à Allah autre chose que lui. هذه النار. Ce feu qu'Allah aura réservé à ceux qui ne croyaient pas en Allah. À ceux qui délaissaient la prière, al-salah. À ceux qui ne s'acquittaient pas de l'aumône obligatoire, al-zakah. À celle qui aura enlevé son voile, al-hijab. هذه النار. Tel est ce feu qu'Allah aura réservé aux injustes, al-zalimin. Et aux criminels, al-mujrimin. Et aux traîtres, al-khadi'in. Parmi cette communauté et les autres communautés. هذه النار. Tel est ce feu qu'Allah aura préparé à ceux qui ont été distraits par les séries télévisées al-musalsalat et par les films qu'on compte sur le compte de l'obéissance d'Allah Rabbul Bariyat. هذه النار. Tel est ce feu qu'Allah aura préparé à ceux qui auront consommé et mangé l'usure et les crédits bancaires al-riba, à ceux qui auront semé la corruption sur la terre al-mufsidoun, à ceux qui auront défié Allah Jalla wa Ala. هذه النار. Tel est ce feu qu'Allah aura réservé à ceux qui avaient leur cœur rempli de haine contre l'islam. هذه النار. Tel est ce feu qu'Allah aura préparé à celui qui a voulu délaisser le gouvernement avec la législation d'Allah sur une terre d'Allah et envers les serviteurs d'Allah. هذه النار. Tel est ce feu qu'Allah aura réservé à celui qui aura tué une âme qu'Allah aura rendu sacrée sans aucun droit. هذه النار. Tel est ce feu qu'Allah aura réservé à celui qui aura délaissé la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. هذه النار. Ayo l'ikhwa. Tel est l'enfer. Telle est cette résidence, telle est cette demeure, tel est ce séjour, cette demeure qui aura été préparée pour les ennemis d'Allah, pour les ennemis des messagers d'Allah. Prenez garde, ayo al-ikhwatul kiram, ainsi, de ne pas effectuer ces actions, ou bien de ne pas commettre un de ces péchés, car et wallahi sinon, a'adan Allahu min hadha al-hal, qu'Allah nous préserve de cette situation, et wallah vous mériterez la souffrance, et wallah vous mériterez la punition, et wallah vous mériterez naru jahannam. Le feu de l'enfer, as'alullaha jalla wa ala, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna, wa sifatihi al-ula, par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il nous protège, nous préserve et nous épargne du feu de l'enfer, naru jahannam, de ses supplices, de ses châtiments et de ses douleurs. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام, أيها الإخوة والأخوات, sachez également, أيها الإخوة الكرام, que l'enfer جهنم possède des portes أبواب, comme le paradis الجنة possède des portes également. Allah nous dit également à ce sujet, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. Et certes, l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Certes, l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ. Il aura 7 portes. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ. لكل باب منهم جزء مقسوم. À chaque porte, on aura sa part déterminée. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, dans l'interprétation de ces versets, لكل باب منهم جزء مقسوم. À chaque porte, on a sa part déterminée. À chaque porte, une partie de ceux qui auront suivi Iblis. Ils y rentreront sans pouvoir s'en échapper, sans pouvoir s'enfuir. Chacun rentrera par la porte qu'il méritera. Et chacun suivra le degré qu'il aura mérité. Comme le paradis Al-Jannah aura des portes, et les serviteurs et les gens du paradis seront appelés à passer et à entrer par ces portes. Lorsqu'ils rentreront au paradis Al-Jannah, et bien l'enfer Jahannam a également des portes. L'enfer Jahannam a également des portes. Et ainsi on appellera les serviteurs que la souffrance, sur lesquelles la souffrance aura été écrite et destinée par ces portes Al-Abwab. On appellera ainsi celui qui a associé à Allah, celui qui a délaissé la prière à Salah. On appellera ainsi tous ces gens-là. Et le nombre de portes Al-Abwab est en fonction du nombre de péchés Ad-Dunub. Et les étages et les degrés Ad-Darakat sont en fonction des actions et des péchés Ad-Dunub et des désobéissances accomplies par le serviteur dans ce bas monde Ad-Dunya. Et lorsque les habitants, ayu al-ikhwa, lorsque les gens de l'enfer se présenteront et seront devant les portes de l'enfer, ayu al-ikhwa, la chair et la peau de leur visage tombera de par sa chaleur. Avant qu'il ne rentre dans le feu et avant qu'il rentre dans cette résidence qu'est l'enfer. Ainsi tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, ayu al-ikhwa, et ce que vous allez entendre n'est qu'une approche de la compréhension. Une approche de la compréhension, car nous allons consacrer lors de la semaine prochaine, lors du prochain discours, comment seront châtiés les gens dans l'enfer. Et ainsi nous parlerons pas de comment est-ce l'enfer, mais quant au châtiment de ses habitants. Et wallahi, vous entendrez des paroles que vous n'avez jamais entendues auparavant. Chaque porte en a sa part déterminée d'habitants de l'enfer. Et lorsqu'ils seront devant ces portes, on leur dira alors, Udkhulu abwab jahannam. Udkhulu abwab jahannam. Khalidina fiha. Fabi'sa mathwa al-mutakabbirin. Entrez par les portes d'enfer pour y demeurer éternellement. Et quel mauvais lieu de séjour pour les orgueilleux. Ce sont des portes. Lorsqu'elles se refermeront, elles ne se rouvriront plus jamais. Lorsqu'elles se refermeront, elles ne se rouvriront plus jamais. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Alors que ceux qui ne croient pas en nos versets seront les gens de la gauche, le feu se refermera sur eux. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, مؤصدة, refermé, ce sont les portes qui seront refermées. Elles ne se rouvriront plus jamais. Car ces portes se referment durant quelques saisons, en ce moment même, comme durant par exemple le mois de Ramadan. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se referment. Et les démons de haut rang sont enchaînés. Ainsi les gens de l'enfer y rentreront, les portes se refermeront alors, et elles ne s'ouvriront alors plus jamais. Et wallah! Et wallah, ayu al-ikhwatul kiram, l'humanité al-bachariya est malheureuse. Et wallah, l'humanité al-bachariya, et wallah est en danger, car la plupart des gens sont des mécréants. Car la plupart des gens, ayu al-ikhwatul kiram, sont destinés à être des gens de l'enfer, walayadu billah. Pourquoi? Car ils auront traité de mensonges les messagers al-mursalin, car ils auront refusé de les suivre. C'est pourquoi, ayu wallah, ils sont en grand danger. Comme nous le dit Allah, tabaraka wa ta'ala, walaqad saddaqa alayhim iblis udhanna. Et certes, Shaitan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard. Et Allah nous dit également, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَجْمَعِينَ. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit et s'exécute. Incontestablement, je remplirai l'enfer des djinns et des hommes tous ensemble. Et Allah nous dit également, قَالَ فَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. Il lui dit à Iblis, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. C'est pourquoi, ayyuha al-ikhwatul kiram, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, informa que certains prophètes, parmi les prophètes al-anbiya, viendront le jour de la résurrection, yaoum al-qiyam, et avec lui, avec un prophète, une dizaine de personnes. Et avec un autre, un homme. Et avec un autre, deux hommes. Et il y aura même des prophètes al-anbiya qui viendront le jour de la résurrection avec personne derrière eux. Et le hadith est dans le recueil authentique d'Al-Imam ou Muslim. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, on me présenta les communautés, uridat alayhi al-umam. J'aperçus alors un prophète, et avec lui une dizaine de personnes. Et un autre prophète, et avec lui un homme. Et un autre prophète, et avec lui deux hommes. Et j'ai même vu un prophète, et personne avec lui. Et la preuve concernant que la plupart des gens, ayyuhal ikhwa, sont destinés à l'enfer Jahannam, et que la plupart de l'humanité al-Bashariya est vouée à l'enfer Jahannam, beaucoup de hadiths. Et parmi ces hadiths, ce que rapporte l'imam al-Bukhari. Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le premier à être appelé le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, à Adam alayhi salam. Ses enfants le verront alors. Et on dira et on leur dira, alors voici votre père Adam. Et alors Allah lui dira, sors de tes enfants ceux qui sont destinés à l'enfer. Et il répondra alors, Ya Rab, ô Seigneur, combien dois-je en sortir? Et alors on lui dira, sors pour 100 personnes 99. Et alors les compagnons à Sahabatou radiallahu anhum dirent, Ya Rasulallah, si on prend 99 personnes sur 100, qui restera là? Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma communauté, en comparaison aux autres communautés, est-elle le poil blanc sur un taureau noir? Ma communauté, en comparaison sur les autres communautés, est-elle le poil blanc sur un taureau noir? Car la plupart des gens ont traité de mensonges les messagers al-Mursalin. Car la plupart des gens auront délaissé le chemin des prophètes al-Anbiya. Car la plupart des gens auront traité de menteurs et les auront mécru, wal-ayadu billah. Les gens ont préféré suivre les plaisirs à Shahawat. Les gens ont préféré délaisser la religion du Seigneur de l'Ard wa Samawat. Et parmi eux, ils se sont égarés également à cause de Shubuhat. Parce qu'ils se sont enorgueillis dans le fait de suivre l'ayat al-Bayinat. Les versets clairs et évidents. Et ce qui nous rend triste aujourd'hui, ayyuhal ikhwa, est de savoir de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la plupart des gens de l'enfer al-Nar sont les femmes al-Nisa. Même s'ils font partie de la communauté de Muhammad alayhi salatu wa sallam, la plupart des habitants de l'enfer min ahl al-Nar, de Ummat al-Islam, de la communauté d'Al-Islam et des autres communautés sont leurs femmes al-Nisa. Et la preuve est tirée dans ce que rapporte l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Abi Saïd radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit un jour aux femmes, Ya ma'shara al-nisa, ô vous les femmes, donnez l'aumône, car wallah, je vous ai vu et que la plupart d'entre vous seront dans le feu an-nar. Donnez l'aumône, car je vous ai vu et la plupart d'entre vous seront dans le feu an-nar. Et elles dirent alors, et pourquoi ya Rasulallah, pour quelle cause? Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, elles insultent beaucoup et elles renient la faveur du mari. Elles insultent beaucoup, elles multiplient leurs malédictions et leurs insultes, et elles renient la faveur et le mérite et la noblesse et l'honneur du mari. Si tu lui verses du miel tous les jours, si elle ne boit pas du miel un seul jour, elle t'insultera. Et elle te maudira, Naam, elle aura crié et elle aura renié le bienfait d'Allah Jalla wa Ala sur elle, ainsi que le bienfait de son mari sur elle. Et ces femmes, malheureusement les femmes an-nisa également, sont plus faciles à se pencher vers les futilités de ce bas monde ad-dunya, et sont en général les plus éloignées de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme vous le savez, ayyuhal ikhwa, la plupart des femmes de notre communauté sont vêtues, mais dévêtues. Sont vêtues, mais en réalité elles sont déshabillées et dévêtues. Comme ceci a été rapporté dans le recueil authentique d'Al-Imam Muslim et dans le Musnad d'Al-Imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, nous dit, deux catégories font partie des gens de l'enfer. Je ne les verrai pas encore, et elles apparaîtront. Des hommes ayant des fouets tels les queues des vaches, et ils frapperont les gens avec. Et nous voyons de nos jours des gens en train de maltraiter les gens de nos jours, wal-iyadu billah. Ceux-là font partie des gens de l'enfer. Et des femmes vêtues alors qu'elles sont dévêtues. Vêtues alors qu'elles sont dévêtues. Se penchant et vacillant lorsqu'elles marchent. Ces femmes ne rentreront pas au paradis al-Jannah. Ainsi, celle qui n'a pas de voile al-hijab, celle qui a refusé de porter al-hijab au shari, fera partie des gens de l'enfer min ahl al-nar, quelle qu'elle soit. Et combien elle aura prié, vêtue et dévêtue. Elles sont vêtues, mais elles se déshabillent. Mais elles se déshabillent, mais elles sont dévêtues. Elles cachent une partie, mais elles en montrent une autre. En fonction de leur coutume, ou bien en fonction de leur mode. Eh bien cette mode, ayyuhal ikhwa, cette mode et cette coutume auraient été la cause pour elles d'entrer en enfer. Vêtues, mais dévêtues. Se penchant et elles se penchent, c'est-à-dire lorsqu'elles marchent, ces femmes, nous dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, elles ne rentreront pas au paradis et elles n'en sentiront pas son odeur, alors que son odeur peut être sentie à une distance de telle et telle. Elles ne rentreront pas au paradis et elles ne sentiront pas de son odeur alors que son odeur peut être ressentie à une distance de telle et telle. Et regardez, ayyuhal al-muslimoun, regardez le cas et la situation des femmes musulmanes de nos jours. Regardez le cas des filles des musulmans. La majorité sont vêtues, mais dévêtues. La majorité ont délaissé le voile. الحجاب الشرعي le voile de leur seigneur tabaraka wa ta'ala et c'est pourquoi la plupart d'entre elles malheureusement feront partie si elles ne se repentissent pas parmi les gens de l'enfer ahlun nar et la plupart d'entre elles feront partie na'am des gens de l'enfer et Allah jalla wa ala ayyuhal ikhwa est indifférent quant à la faiblesse des femmes est indifférent quant à la faiblesse des femmes car Allah jalla wa ala ne nous a pas créés sans but Allah jalla wa ala ne nous a pas créés sans finalité afa hasibtum annama khalaqnakum abatha وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق Pensiez-vous que nous vous avons créés sans but et que vous ne seriez point retournés vers nous que soit exalté le vrai souverain que soit exalté Allah et qu'il soit élevé de ne pas avoir créé ses serviteurs sans but il ne vous a pas créé par jeu il ne vous a pas créé par divertissement il ne vous a pas créé par plaisir نعم يا إخوة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين Et ce n'est point par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. Mais bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité al-haq qui le subjugue et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. Ainsi ces femmes sont vêtues mais dénudées, se penchant lors de leur marche, elles vacillent. La plupart d'entre elles désobéissent à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. La plupart d'entre elles désobéissent à leur mari. Les plaintes nous arrivent tous les jours malheureusement. La plupart d'entre elles nient la faveur de leur mari envers elles. La plupart d'entre elles médisent contre leurs voisines. C'est pourquoi elles feront partie des gens de l'enfer. Na'am. Et également, ayyuhal ikhwatul kiram, la catégorie des personnes entrant le moins au paradis al-jannah seront les femmes al-nisa. Et la preuve est tirée du hadith rapporté par l'imam muslim. Selon Umrad ibn Hussein radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La catégorie de personnes qui habitera le moins le paradis al-jannah sont les femmes al-nisa. Ceux qui habiteront ainsi le moins au paradis seront les femmes al-nisa. Celles d'entre elles qui rentreront en enfer sont nombreuses et celles d'entre elles qui rentreront au paradis ne le seront pas nombreuses. Mais malgré cela, il ne faut pas oublier qu'il y a des croyants al-mu'minat et qu'il y a des vertueuses al-salihat et qu'il y a des adoratrices al-abidat effectuant les ordres du Seigneur des cieux et de la terre ardu wa-samawat. Parmi elles, il y en a, Allah, qui dépassent par leur foi al-iman et leurs bonnes actions des billets d'hommes. Na'am, la femme si elle est vertueuse et si son mari ne l'est pas, même si son mari est un tyran parmi les tyrans, Allah ne lui fera pas perdre ses bonnes actions. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon. آسية بنت مزاحم. La femme de Pharaon. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Et Allah a cité l'exemple pour ceux qui croient de la femme de Pharaon lorsqu'elle dit Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis et sauve-moi et protège-moi de Pharaon et de son œuvre et sauve-moi des gens injustes. Allah Jalla wa Ala lui a alors annoncé la bonne nouvelle d'une demeure au paradis al-Jannah avant qu'elle ne meure et avant que son âme ne sorte de son corps. Elle délaissa les châteaux. Elle délaissa les villas, elle délaissa les demeures de Pharaon. Elle ne pensa pas aux robes, ni aux diamants, ni à l'or, ni à dhahab, ni à l'argent, ni à toutes ces autres choses de ce bas monde ad-dunya que les cœurs de la plupart des musulmans sont accrochés. Na'am. Elle a tout délaissé pour Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah lui accordera ainsi la récompense. Et Allah, jalla wa ala yoni khwa, comme nous avons dit, ne prend pas en considération la faiblesse de la femme, ni la virtuosité de leur mari. لأن كل نفس بما كسبت رهينة. Car toute âme est l'otage de ce qu'elle aura acquis. Toute âme est responsable de ce qu'elle aura acquis. Et Wallah, même si la femme est la femme d'un prophète, ou bien si la femme fait partie des gens de la souffrance, elle ira en enfer. Si elle fait partie des gens de la souffrance, et même si elle est une femme d'un prophète, elle ira en enfer. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةَ نُوحٍ. Et Allah a cité en parabole et en exemple pour ceux qui ont mécru, la femme de Nuh, la femme d'un noble messager, le premier messager Nuh, alayhi salatu wassalam, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتهما. Elles étaient sous l'autorité des deux vertueux de nos serviteurs, toutes deux les trahirent. C'est-à-dire qu'elles étaient en apparence croyantes, mais elles cachèrent leur mécréance. Telle est la vraie trahison, ayol ikhwa. D'Ahlus Sunnah wal Jama'a ont choisi comme définition, ce n'est pas la trahison conjugale, mais c'est la trahison de la religion, wa l'ayadu billah. Kanata tahta rabanayni min ibadina, fakhanatahuma, falam yughniya anhuma min Allahi shay'a. Et elles ne furent d'aucune aide. C'est-à-dire que ces prophètes ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Ces prophètes ne furent d'aucune aide et de bénéfice pour ces femmes le jour de la résurrection pour Allah. فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دَخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّخِلِ. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui entrent. Et Nuh alayhi salam n'intercède point pour sa femme, ni Lot alayhi salam. Et parmi ceux également, ayyuhal ikhwa, qui vont entrer en enfer, des gens qui ont été créés de feu annar, ce sont al-jinn. Une chose étonnante, des gens qui ont été créés à partir de feu annar, vont rentrer dans le feu annar, na'am. Telle est la capacité d'Allah Jalla wa Ala qui dépasse la raison et l'esprit. Ce sont des créatures créées de feu, Allah les châtira avec le feu. Et il châtira les mécréants al-kafirin parmi eux, et les polythéistes al-mushrikoun, et les rasoun, les désobéissants le jour de la résurrection. Ils seront rassemblés comme le seront les humains al-ins. Wa yawma nahshuruhum jami'a ya mahshara al-jinn. Le jour où ils seront rassemblés tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé sur les humains. Ils rentreront en enfer comme nous le dit Allah tabaraka wa ta'ala. Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes. Et avec cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala se concrétise sur eux et sur les autres lorsqu'ils nous disent également. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَجْمَعِينَ. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Incontestablement, je remplirai l'enfer de djinns et des hommes, tous ensemble. Et également lorsqu'ils disent وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. Et parmi nous, il y a des musulmans et il y a des injustes qui ont dévié. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوا رَشَدًا. Ceux qui se seront convertis à l'islam, en parlant des djinns, ce sont ceux qui auront cherché la droiture. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَجَهَنَّمَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانَ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Et quant aux injustes, ils feront le combustible de l'enfer et ils formeront le combustible de l'enfer, malgré qu'ils soient créés de feu annar. Voilà quelques preuves, ayyuhal ikhwatul kiram, et peu de preuves, certes, et peu de preuves, et peu de paroles, et peu de propos, comparé à tout ce qui existe dans le feu de l'enfer annar ou jahannam, comparé à la réalité de l'affaire. Et à la réalité de l'ordre, ayyuhal ikhwa, à propos de Nahr ou Jahannam et de ses caractéristiques, et ceux qui y rentreront et pourquoi, il nous reste la parole, ayyuhal ikhwa, sur le châtiment al-adab, sur le châtiment al-adab du feu de l'enfer Nahr ou Jahannam, et comment les gens seront châtiés dans le feu de l'enfer. Peut-être que les cœurs se concentreront, peut-être que les yeux pleureront, peut-être que les âmes reviendront, si possible, aux connaisseurs de l'invisible, alimul ghaibi wa shahada, lors du prochain discours, lors de la semaine prochaine. As'alullah jalla wa ala, je demande à Allah tabarak. بارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il nous évite et qu'il préserve et qu'il nous protège et qu'il nous épargne de la chaleur de l'enfer. إنه ولي ذلك والقادر عليه. Oh Allah, nous demandons protection près de toi contre le feu. Allahumma qina adhab an-nar. Allahumma qina adhab an-nar. Allahumma qina adhab an-nar. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul et que tout oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaitan. Allah et son messager en sont innocents. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'évoquer en bien dans les grandes assemblées et de préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et d'accorder sa bénédiction à son noble messager ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, à ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation, ayyuhal ikhwatul kiram, que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi rabbil